voix seulement, numéro 152. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Mon cœur est droit, tant pis, et blanche. Ce jour-là pour ressusciter entre les morts, pas tout le monde qui entendra lors de la première résurrection, pas le prédestiné, pas le prédestiné à cela, et celui de Dieu. Alors quand il appellera, moi je serai quelque part pour entendre mon nom. Crois aussi la même chose. Le juste vit par la foi. Ne te complique pas la vie toi-même. Ce que Dieu réclame de toi, c'est la foi du cœur. La foi sincère pour prendre Dieu au mot. Force manœuvre. Force échappatoire. Dieu a dit, mon âme le croit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, écrit. Cela me suffit, mais ça suffit déjà pour moi. Je veux mettre en porte écrit là, mais suffit déjà. Pour croire ça comme c'est écrit. Sans échappatoire. Mais il a versé son sang pour mon âme. Il est venu donner la vie. Je suis ici pour recevoir cette vie qu'il a donnée. Toi aussi. La vie qu'il a donnée, c'est pour qu'elle soit reçue quelque part. Quelqu'un doit recevoir cette vie de Christ. La vie chrétienne, la vie de Christ. La vie parole, quelqu'un doit manifester ça. Yes, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Te dire merci pour ce privilège, la belle occasion que tu donnes à nos pauvres personnes de nous tenir dans la sainte présence du Dieu Tout-Puissant, de venir devant le Dieu de vérité, le Dieu de l'Amen, l'unique qui donne la vie éternelle, d'avoir cette liberté de nous approcher loin des choses du monde, plus près du Dieu vivant, d'avoir l'assurance d'être entendu par lui, très découpé quand nous payons, si nous persévérons. Maintenant, donne gloire à ton nom et envoie la parole à nos cœurs, la puissance de vie éternelle, la puissance de résurrection, la puissance du salut, la paix céleste, la paix des âmes. Donne un grand shalom à nos cœurs, donne le réveil à nos vies. De Jésus-Christ soit magnifié parmi les humains. Avec toutes nos prières, guéris toutes les maladies, livre tous les malades, trouve les perdus encore ce matin, donne la repentance, la renaissance, donne la sanctification et la régénération, donne le baptême du Saint-Esprit, accorde-nous l'expérience salutaire. Et que nous soyons changés aujourd'hui encore, que notre intérieur change aujourd'hui encore, que les faiblesses du corps partent aujourd'hui encore, que la gloire de Dieu se manifeste et que nos langues témoignent de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, le renversement du Saint-Esprit, l'onction des services, l'amour de la vérité, et la puissance de la rédemption. Reçois les hommages, l'adoration, les honneurs qui descendent, l'adoration de Jésus-Christ, l'immuable, prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole écrite de Dieu. Hébreux chapitre 5. Verset 5. À 7. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Jean chapitre 10. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Philippiens chapitre 3, le verset 10 et 11. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et bénisse vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Souhaitant à nos âmes bienvenue à sa sainte présence. Du bonheur à la table du Seigneur. Si tu veux être heureux à la table du Seigneur, tu n'as qu'à dire Amen. Il ne faut pas qu'à la table du Seigneur tu sois malheureux. Tu ne puisses pas te retrouver. Mais nous voulons qu'à la table du Seigneur tu sois heureux. Que tu reçoives ta part. Que ton assiette soit remplie. Que tu manges à satiété. Dieu et tu rassasié. En ce temps où la famine bat son plein. À travers le monde. Et les gens cherchent à entendre la véritable parole de Dieu. Ils sont devenus errants d'une mer à l'autre. À l'ouest. Sans trouver quelque chose de merveilleux. Authentique. Car partout, ce sont des sons confus. Les tables sont remplies de vomissures. La théologie bat son plein partout. L'interprétation fausse de la parole sont servies. Et les gens portent de mieux. Comme Israël avait jubilé devant les veaux d'or. Pour réjouir devant le Dieu. Ils ont même chanté. Ils avaient dansé. Mais c'était devant une vache. Un d'or. Une idole muette. Je passe dans beaucoup de regroupements religieux. La gaieté là-bas, il y a l'ambiance où les gens passent au ciel. Vous trouvez l'euphorie, l'ambiance, comme pas possible, c'est pour le Dieu vivant. Il crie même que ma bine est outanalola. Le tam-tam est utilisé, sollicité à l'extrême. Tout le même explose. Parce que les mains de celui qui est en train de battre sont des médicateurs. Il veut taper de manière à ce que celui qui est en ville entende les choses. Et ils vous rassurent qu'ils sont devant Dieu. Et qu'ils font pour ça pour Dieu. Et pourtant, on a les femmes d'Israël en ce moment. Ils sont en train de célébrer. Une idole. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu saint. Dans sa présence, on ne fait pas de n'importe quoi. Il est un Dieu d'ordre. Dans sa présence, tout est ordonné et harmonieux. Alors, tout ce tapage du fantastique et du tapalais. Tout ce buzz que les gens sont en train de faire n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ils sont en dehors, ils sont déconnectés. Mais nous souhaitons le bonheur à la table du Seigneur. Et ayant confiance que Dieu qui vous aime servira la délicieuse nourriture pour un homme précieux. Si tu veux ce bonheur, dis simplement Amen. Ne va pas consulter rapidement les dictionnaires pour chercher la signification des mots. Loba ki bouzu, bouzu nini. Non. Kolanda bouzu te, loba kaka amen na oye loba mi. Quand Dieu parle, que ton âme se nourrisse. Nous disons, nous vous souhaitons le bonheur à la table du Seigneur. D'être heureux quand Dieu nourrit votre âme. D'être joyeux pendant que Dieu nourrit votre âme. D'être joyeux de votre présence ici. Que personne de nous ne regrette sa présence ici. Ah, il me fallait aller là-bas au rendez-vous d'argent. Quelqu'un m'a promis du travail. Un meilleur travail que celui que j'ai. Qui m'a promis. Que Dieu te donne à l'église. Vaut de l'homme mieux que le travail. Car la rémunération que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Et l'argent tu peux en avoir en quantité, un jour tu seras obligé de le laisser à cause de la mort, la précarité de ta vie terrestre. Les gens peuvent aussi s'envoler comme du vent. Un voleur, un pillard peut venir. Les bandits armés. Les terroristes comme les M23. Ils peuvent envahir et créer la surprise. Attachons-nous à Dieu et nous aurons mieux. Dieu a dit, écoutez-moi et vos âmes vivront. Pourquoi nous travaillons sur la terre et des fois éphémère. Travaillons comme on l'a dit en semaine pour la vie éternelle. Alors ce matin, notre méditation consiste à nous nous exhorter autour de la pensée de prier pour la première résurrection. Prions pour la première résurrection. Et là-dedans, il y a Jésus-Christ, notre divin modèle, qui prions pour la résurrection entre les morts. Jésus-Christ, notre divin modèle, l'a fait. Quand il était sur le territoire. Et chacun de nous chrétiens, appelé à être semblable à Christ, nous devons aussi nous y adonner. Au courant de la semaine, nous avons martelé sur la nécessité de vivre pour la résurrection d'entre les morts. Vivre pour la première résurrection d'entre les morts. Vivre pour ça. Vivre pour la résurrection d'entre les morts. Qui vit sur terre, mais ayant les yeux fixés sur la résurrection d'entre les morts. Tel est l'objectif ultime à atteindre. Dans le sermon, les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963. Et paragraphe 1er et 2e. Branham a adressé une prière. Il dit ceci. Inclinons la tête juste un instant, la prière. Père Céleste, nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour ce privilège que nous avons de nous rassembler une fois de plus. Sachant qu'un jour, nous nous réunirons pour la dernière fois en tant que mortels. Un jour, ça se fera comme ça. Nous réunirons pour la dernière fois en tant que mortels. Et qu'ensuite, nous serons réunis avec toi dans un état glorifié. Après ces réunions ici en tant que des mortels, après ça, il y aura encore une autre réunion avec lui Christ. Il y aura un rassemblement entre nous et lui Christ, mais dans un état glorifié. Et tous les rachetés de tous les âges seront réunis là. Dans cet autre rassemblement-là. Tous les rachetés de tous les âges seront réunis là. Oh, nos cœurs battent fort dans cette grande expectative. Pendant que cette heure arrive, nos cœurs battent. Dans cette expectative. Celui qui est dans l'expectative, c'est quelqu'un qui attend quelque chose d'imminent. Il attend soit un appel téléphonique, très important. Il attend soit un message confirmant quelque chose de très important. Il attend la survenue d'un événement. Il aura la joie de faire le bonheur de Dieu. Alors il est dans l'expectative. Un état d'alerte. Alors nous aussi, en attendant cette rencontre-là de l'au-delà, avec Jésus-Christ, dans un état glorifié, pendant que nous sommes encore dans ce corps mortel ici, alors là, nos cœurs battent fort dans cette grande expectative, attendant que cette heure-là arrive. Et à cause de cela, toute crainte disparaît de nous. Il n'y a ni peur ni incertitude. Votre vie est en ordre avec la parole. Votre vie est en ordre avec le message. Vous n'avez pas à craindre la survenue d'un enfer, nous dit. Ni la déception au moment de l'enlèvement. Ni de rater d'entendre votre nom lorsque Jésus appelera. Pour que les morts en Christ entendent et ressuscitent. Lorsque notre vie est en ordre avec la parole, vous êtes dans l'expectative. Toute crainte s'en va. Il n'y a plus de questionnement à savoir si ça se ferait ou non. Vous avez l'assurance. Nous n'avons rien à craindre. Et rien à redouter. La Bible a dit que la foi est une forme d'assurance. Les choses qu'on espère. Si la résurrection entre les morts est un événement vrai. Un événement réel et imminent. Alors, chers amis, ceux qui y croient, et qui se sont préparés en conséquence, qui ont aligné leur vie à la parole de Dieu, qui ont conformé leur vie au message de l'heure, n'ont rien à craindre. Il n'y a là rien à redouter. C'est un programme et nous sommes branchés. Quand l'heure sonnera, quand le moment arrivera, quand on a chanté ici, lorsque le Seigneur appellera, j'entendrai et je répondrai. Je serai quelque part, même si sur la terre, je ne pouvais plus retrouver ma adresse. Même si dans les cimetières, vous ne savez plus retrouver ma tombe. Et que les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, au réchauffement de la terre, tel qu'on en a vécu les dégâts ici cette semaine, hein? Il y a eu des dégâts cette semaine ici. Ah ouais, et ça fait près de 160 morts. La pluie torrentielle. Du 13 décembre, chiffre 13, la pluie torrentielle qui emporte près de 160 morts. Un bilan lourd. Mais ces dégâts, il n'y en a pas qu'à Kinshasa. Quand on est borné, mais les croyants, ils sont éclairés par la parole prophétique. Ce qui se passe avec ces défaillances de la terre, la planète Terre, la température de la terre a beaucoup augmenté. C'est vrai. Même la température corporelle a varié. Nous, quand on étudie la médecine, la température normale du corps humain est de 37 degrés. Mais actuellement, c'est plus ça. C'est 36 degrés. Hein? Nous sommes à 36.5. Le repère normal de la température corporelle. Tout ça à cause de changement climatique. L'environnement mondial est en train de bousculer, de changer. On n'est pas figé à des théories de l'époque d'Antiquité. Le changement est presque quotidien dans le monde. Et la parole prophétique avait dit que la lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours. Et la lumière de la lune deviendra comme la lumière du soleil. Quand est-ce que cela s'accomplira? Lorsque l'Éternel sera en train de bannir la paix de la fille de son peuple. Et la fille de son peuple, c'est Israël. Pendant qu'il est en train de guérir leur nation, le signe prophétique annoncé, c'est le réchauffement de la terre. Multiplier les réunions et tout, ça ne va pas permettre cela à la prophétie. Vous allez le dire. Arrêtez l'agitation politicienne. Cherchez le royaume de Dieu. Ici là, les retombées sont là. Je vous disais ici un jour, des fois Dieu peut permettre qu'il y ait des tremblements de terre à Kinshasa, parce que nous sommes très distraits. Que Dieu amène, ce n'est pas un phénomène cosmique comme ça. Mais c'est possible. Je vous demande si vous pouvez comprendre. On a dit sans vraiment, on parlait de 1060. Après le silence, on a dit 80. Après 100. Après 120. Après 140. Après 151. Est-ce qu'on se réveille? Ça ne vous dit rien tout ça? Nous à Kinshasa. On vous a décrété 3 jours de deuil national ici. Nous sommes même chose. En Namibie, même chose. Allez politiser toujours. Consultez le livre de l'Éternel. Ce phénomène qui s'est produit conduit vers la tragédie. Les fissurations de la terre. Les cassures des grandes artères. En Californie, on en a vécu. En Johannesburg, même chose. En Namibie, même chose. Il y a mort d'hommes. Alors, partout là-bas, vous pouvez politiser. Vous qui aimez la distraction. Vous pensez à cause d'un tel. Vous pensez à cause d'un tel. Jusqu'à ce que le feu s'abatte sur vous. C'est le cas à Sodome et Gomorrhe. Vous sachez qu'il faut craindre celui qui est en haut. Et non pas ceux qui sont ici en bas. Limité et faillible comme vous. Parce qu'il y a des gens qui sont champions de critique. Ils ont la bataille de Il y a lieu de faire mieux. Et c'est avec Dieu que vous ferez des excuses. C'est par Dieu que vous deviendrez meilleur. Qui dit Amen? Nous ne disons Amen parce que nous aimons la vérité. Même si elle est dure, nous l'aimons quand même. Même si elle semble nous asphyxier par moments. Malgré la catastrophe vers laquelle le monde se dirige, le monde va droit au pied des murs. Ils sauront plus que faire. C'est déjà annoncé. Ils essayeront tout et ils échoueront tout. Ils allons droit là-bas. Mais ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. En un temps comme celui-ci. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous comprenez tout. Non pas à la manière politicienne, ni à la manière républicaine, mais à la manière de Dieu. Sommes-nous là pour chercher à connaître Dieu? Est-ce que nous aimons ça? Fais-toi connaître le Seigneur. Il dit, Nous n'avons rien à craindre, frère Benambi. Rien à redouter. Nous qui sommes en ordre avec la parole de Dieu. Nous regardons en avant vers la promesse que le Dieu éternel nous a faite. Et nous savons que c'est la vérité. C'est pourquoi nous vivons. Nous vivons pour cette heure. Pour ce moment où ce corps mortel sera changé. Nous n'attendons pas les grands malheurs, les nombreux malheurs que Dieu a annoncé contre l'univers. Nous vivons pour cette heure-là. Vivant pour la résurrection d'entre les morts, vivant pour la transmutation de nos corps mortels, vivant pour le revêtement du corps immortel, nous vivons pour cette heure-là. Pendant que nos contemporains vivent pour s'attendre à la politique, à une nation meilleure, un Congo prospère pour réunir, ils rêvent de ça. Nous ne vivons pas pour un Congo fort et prospère. Depuis 1960, le défunt premier ministre Lumumba, Patrice Emery, il avait alerté que la balkanisation du Congo, c'est pour demain. Il avait dit blackanisation. La blackanisation du Congo, c'est pour demain. Il a accusé la Belgique de vouloir balkaniser son pays. Jusqu'aujourd'hui, les mêmes discours continuent. Après le roi de Belge, auquel on s'en prenait. Maintenant on est en train de parler de Kagame. C'est lui qui veut blackaniser le pays. Et après on va encore parler de Kenya, des troupes kenyennes. Mais c'est le plan de la balkanisation qui a marché. Les années passent, les décennies passent. Mais le monde va droit au pied du mur. Donc il est allé tomber dans ce canal. Tout va exploser. Pour nous les chrétiens, il y a une espérance meilleure. Nous recevons un royaume inébranlable. Le royaume de notre Dieu ne sera jamais remplacé. Notre roi n'a pas de successeur. Notre roi est immortel. Dieu règne et vit éternellement. Ah, ben, je vais t'entendre reconnaître nous les ressortissants d'eux. Non, nous disons merci, voilà. Et puis tout c'est fait là. Nous sommes dans le monde. Un peu de billets de banque. Formez une vidéo pour faire des déclarations. Nous, les ressortissants d'eux, nous sommes mécontents. Et puis, les autres, nous sommes très contents, honorés. Parce que notre Dieu vit et règne éternellement. Quand vous êtes un sujet de son royaume, vous n'avez rien à craindre. Car vous êtes membre d'un royaume inébranlable. Nous regardons en avant vers la promesse que le Dieu éternel nous a faite. Et nous savons que c'est la vérité. C'est pourquoi nous vivons. Dans cette vie, mais le Seigneur a dit de même que je vis, vous vivrez. que ce soit au Congo ou ailleurs, nous les chrétiens, nous y faisons. Grâce à notre Dieu, nous y faisons. Nous ne vivotons pas, nous ne vivons pas. Parce que Christ vit, nous aussi, nous y faisons. Notre vie, c'est pas le pain. C'est pas la chigouane. Notre vie, c'est la parole. Tant que nous la recevons, nous vivons. Qui en est la joie et le bonheur sur la terre des hommes. Pourquoi ces eaux n'ont pas emporté quelques membres du Zabaran de Chrétien? Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Est-ce que nous n'habitons pas les mêmes communes? C'est dégâts. Et des débordements des eaux. Quand les grandes eaux déborderont, on ne sera nullement atteint. Et ça, c'est aussi la promesse aux enfants de Dieu. Quand Dieu tient promesse, reconnaissons-le. Par sa parole, nous vivons. Par la foi de l'évangile, nous vivons. Nous ne vivons pas. Nous ne survivons pas la vie. Nous ne survivons pas. Par la parole qui nous a donnée. Nous vivons. Je ne dis pas que nous vivons quand même. Je dis bien que nous vivons. Je dis bien que nous vivons. Et Christ est notre vie. 1 Jean 5, verset 12. C'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. Et c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu dis amen. Nous avons la vie. Non pas la vie du péché. Non pas la vie de désobéissance. Non pas la vie de pétrifice. Non pas la vie de non-gravité. Mais la vie d'obéissance à Dieu. La vie agréable. La vie de prière. La vie d'adoration. La vie de supplication. Nous aimons ça. Et nous vivons. Nous vivons. Un chrétien qui ne prie pas, ce ne vit pas. Un chrétien qui n'adore pas Dieu tous les jours, tout le temps, il ne prie pas. Il n'a pas la vie. Donc, dans la vie, il y a ça. Il y a la joie. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la gentillesse, il y a la fidélité, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la communion fraternelle. Dans cette précieuse vie-là, chacun doit les manifester. Nous vivons pour ce peuple. Nous vivons pour ce moment où cette mortelle sera changée. Et que nous serons rendus semblables à lui. Nous vivons pour ce moment-là. Tout ce corps mortel sera transformé. Sera changé. Et nous serons rendus semblables à lui. Et il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de chagrin. Nous vivons pour ça. Amen. Amen. Oh. Si toi tu ne vis pas encore pour ça, ça va devenir matière à réflexion. Les amens vont s'aménager dans la salle. Nous devons vivre pour ça. Pour cette heure-là. Tous ces corps mortels revêtiront l'immortalité. Dieu a promis et il a dit, c'est un principe de la Bible. Il faut que ce corps mortel respecte l'immortalité. C'est écrit dans Conséquence. Il faut que ce corps respecte l'immortalité. C'est un principe, c'est une promesse. Ça doit s'accomplir. Ça doit se confirmer. Même pas pour tous, hein. Mais pour quelques-uns. Par Dieu ne ment jamais. Quelques-uns, c'est ceux qui ont la foi du cœur. La foi authentique. La foi scripturaire. La foi biblique. C'est ce quelques-uns-là. La foi restaurée dans notre vie. La foi fondamentale et spirituelle. Ceux-là expérimenteront ce que Dieu a dit. Il le faut. Dieu a dit il faut et ma foi aussi dit il faut. Là nous passons de l'écriture à nous-mêmes. 1 Corinthiens 15 verset 53. Car il le faut. Il le faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il n'est pas écrit qu'il se pourrait. Que ce corps corruptible revête l'immortalité. Oui, il pourrait se faire. Que ce corps mortel l'immortalité. Mais il a dit, il le faut. Il a dit que c'est obligatoire pour qui? Pour ce qui se déjà accompli. Il était mort et il est vivant au siècle des siècles. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pour Jésus-Christ, notre Dieu, mon Dieu. Maintenant, il est écrit, il faut se pour qui? Pour qui là? Il le faut, il se fait mortel. Revête l'immortalité. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible. Nous vivons pour ce genre-là. Pour cette parole, ce principe, ça prendra à nos corps. Nous expérimenterons littéralement cela. Que celui qui aime la vérité dise amen. Branham dit que nous vivons pour cette heure-là. Pour cette résurrection d'entre les morts, pour ce changement de nos corps mortels. Nous vivons pour cette heure-là. Il dit ceci. Oh, tout sera alors terminé. Quand ça va se passer comme ça? Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de chagrin. Tout sera terminé alors. Et de cœur joyeux. Des cœurs joyeux, nous attendons ce jour avec foi et courage. Je veux que ceci entre en toi. Que tu entres dans l'expectative. Tu entres dans les groupes de ceux qui attendent ce jour. Avec foi. Sans rien craindre ni redouter. Mais attendons cette heure-là. Avec foi et courage. Parce qu'en réalité, toujours ici dans 1 Corinthiens 15, à partir de verset 12, voyez un peu une vérité. 1 Corinthiens 15, verset 12 avant. Si l'on prêche que Christ ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ce que Christ a fait, c'est qu'il a fait Sona nini ba mususu kati na bino balobi ete lisekwa kati na bakufi ezalite. C'était aussi des frères et des sœurs mais dans l'assemblée de Corinthe. Nzana jifeba ndekubasa mbali kasi na itonga kuna ya Corinthe. Nzana jifeba ndekubasa mbali kasi Mulenge ya lingomba huo ya mbali. Tantu wao, tantu wamba. Tantu mbali kwa ikulu. Ya ni histoire terrible qui vient là-bas de Corinthe. Makambo sana huta ikuna. Pourquoi quelque chose parmi vous non presque et Christ ressuscité naturellement, mais on trouve des gens déjà frères dans l'église qui soutiennent que il y a pas de résurrection. Une assemblée au son confus. J'ai souvent prié que notre église ne soit pas semblable à celle de Corinthe. Je prie que notre église soit semblable à celle d'Éphèse. Une église positionnée et mature. Des gens qui ne sont pas dans les bassesses. Dans les futilités. Mais qui ont la vraie spiritualité, telle que Dieu la restaurer dans ce temps. Nous voulons d'une église établie, d'une église missionnaire, d'une église visionnaire, qui ont la vision spirituelle. Nous en voulons ici. Mais regardez ici, des gens, des frères qui étaient dans des bassesses, mais dans l'assemblée. Donc, sans scrupules et sans frein, ils alimentaient les débats là-bas. Ils ont dit qu'il y a des résurrections. Ils ont angoté, ils ont il n'y a pas de résurrection de mort. Ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont coupé dans le bus ici. Vous avez une consolation? Mais qu'est-ce que vous cherchez? La vie que Dieu vous a donnée, ça ne vous suffit pas? Bon, moi, j'ai que ça m'a quitté. Ton koufi n'a pas sonné pour aucun élo là. Hein? Ton koufi n'est pas aucun élo là. Voilà ce qu'il pense. Mais des frères dans l'église. Ben, il n'y a pas de l'église là. Sans rien se reprocher, ils sont parmi les chrétiens. Oh! Bon, c'est comme ça, il n'y a pas de l'église là. Oh, ma gamba, c'est le seul de moi. Ça l'église, c'est pas frère! Voilà pourquoi ton frère n'est pas toujours un croyant affermi. Que Dieu nous aide chaque jour et chaque fois. Il suffit de voir quelqu'un assis ici, il dit, oh, il est frère. Il est venu assister à deux, trois réunions. Et il a pu se tenir de bonjour, lever la main. Il a amené, alléluia. Ah, vous dites qu'il est spirituel. Donnez-lui le test de la parole. Voyez comment il va réagir. C'est là qu'on identifie les natures cachées des gens. Et les attitudes face à la parole. Ce n'est pas les apparences ici. Voyez ça? Ce n'est pas les apparences. Tu perds un membre de famille parce que tu as un deuil. Tous ces jours-là, tu désertes l'église. C'est comme quelqu'un qui a pris congé pour aller au village. Parce que papa Koufi. Donc, nous voilà le papa Koufi, il s'en fait l'église pour que Koufi n'en. Tout dort. On va réapparaître. On va recevoir le programme d'intimation. Et quand Dieu dit laissez les morts ensevelir leur mort, et toi tu vas servir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Frère, nous devons changer. Amen. Vous allez couper sur la nouvelle langue. Notre vie, c'est la parole. Amen. Vous allez couper sur la nouvelle langue. Dans les épreuves, on reconnaît la nature de chacun. Et même, nous allons prêter l'oreille. Quand tu pleures, les membres de ta famille, tu pleures comment? C'est pour ça que vous allez couper là. Vous allez couper sur la nouvelle langue. Parole que tu sors. Mais vous allez couper ça. Tu parles au monde. Vous pouvez aller à la couche. Si tu parles aux morts, est-ce que tu es encore un catholique romain? Vous êtes encore un catholique romain? Vous êtes encore un catholique romain? Au conseil, il y a qui frère à moi. Au conseil qui sert. Au conseil, il y a un catholique qui est là. Vous allez dans mon avant-goût. Il y a un catholique qui est là. Pourquoi tous ces 40 jours, vous êtes un catholique romain? Tu es dit ça la vérité. Amis, il y a 40 jours. Mais on va dire que nous avons 40 jours. On va dire que nous avons 40 jours qui est là. Et comment on va dire que nous avons 40 jours? Il y avait certains moines qui ont inventé des théories. Maintenant, C'est écrit où, dans quel verset? Et pour moi, du rap, dans le monde de Dieu. Vous le faites avec beaucoup de loyauté. Vous allez pour ça, l'amour de Dieu, la parole révélée, c'est tout qu'on est. Pour les champions, la parole est difficile. Et la parole de l'amour, vous ne vous allez pas. C'est l'histoire qui nous dit, c'est une queue. On ne sait pas quel est le sorcier qui avait instauré. Pour éviter une définie, la bande de Dieu, la bande de Dieu. Quel est ce grand-père sorcier qui avait établi ce coup pour l'instant? La justice, c'est une queue. La justice, c'est une queue. C'est pas un gabacon. Quand il y a Bakoko et Zaga Sauvage, hein, n'a pas eu beaucoup de problèmes. Non, frère. Éveillez Dieu et non pas les morts. Vous n'avez jamais qu'à la confité. Êtes-vous là? Voilà ses frères. Alors, vous allez en attendant de quoi? Dans l'église alimentaire des débats. Quand c'est l'église, il y a plein de réflexions des morts. Vous faites que vous avez cru. Vous êtes venu vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tout ça? Pour la ligne, ça. Mais dans l'assemblée, vous n'avez pas honte. Quand il a été mort, vous n'avez pas jusqu'à baver. Oui, non, non, non, non, non, monsieur, qu'est-ce que tu défends? Ce même genre de comportement, il y en a dans plusieurs assemblées jusqu'à présent. Tous ces gens qui se permettent de croire et de prêcher n'importe quoi. C'est le même genre d'esprit. Il y avait à Corinthe là-bas. On s'appelle frère. Mais devant la parole, on est incrédule. Ça montre qu'on n'a pas cru. On n'a pas cru du tout. Donc ici, on prêche. Christ, le suis dans les gens écoutent la prédication. Amen. Vous ceux-là qui disent ça, ils l'ont vu, hein. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi. Bon, par politesse, on dit amen. Moi, personnellement, je ne crois pas. Voilà, un soi-disant frère. Voilà, aussi l'on prêche que Christ est ressuscité. Bon. Pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il y a point de résurrection des morts? C'est Christ, à sa colonie, il y a 7-4 de la couche. Pour la mini, dans mon 7-4 de la couche, il y a 7-4 de la couche, il y a l'hiver. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Pour qu'on y a 7-4 de la couche, il y a l'hiver, mais Christ a ressuscité. Donc ces gens ont tendance à être un peu comme Thomas. Ce genre d'esprit et de comportement ont commencé depuis longtemps. Ils se sont enviés dans notre pays. Ils commencent avec une idée, ils considèrent ça comme une révélation, ils mettent tout le monde en bas. Ils embarquent dans cette croix. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Pour que Christ soit ressuscité, pour ça qu'on en a bien fait, il y a une tombe. Donc Paul a commencé à raisonner avec eux et contre ceux-là qui tiennent de telles thèses et de telles affirmations. Il est dit la vérité. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si le mort ne ressuscite pas. Vous faites de nous prédicateurs qui alors? De quoi témoignons-nous quand nous prêchons? C'est ce que Paul essaie de leur dire ici. Il dit au verset 16. Si le mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Cette théorie que vous défendez, elle est vicieuse, elle est pernicieuse, elle est dangereuse, Voilà pourquoi nous vivons pour cette heure de l'Esprit. Nous vivons pour cette heure-là de la transmutation. Parce que pour nous, pour vous et pour moi, nous n'espérons pas en Christ que dans cette vie. Ce n'est pas que si on nous ôtait cette vie, nous avons tout perdu. Loin de là! Cette vie peut s'en aller n'importe quoi. Elle peut s'en aller n'importe comment. Mais notre foi en Christ poursuivra son chemin. Notre témoignage poursuivra son chemin. D'ailleurs, je suis heureux de t'entendre. Le mort qui meurt dans le Seigneur. Ils ne sont pas maudits. Ils ne sont pas perdus. Mais ils sont heureux. Ils sont bénis. Ceux qui meurent en Christ. Car ils vont se reposer de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Ils vont les suivre dans leur lieu de repos. Nos œuvres nous suivront là-bas dans leur lieu de repos. Que l'heureux accepte d'Isamère. Celui qui aime Dieu qui dit Isamère. Oh, la résurrection est une réalité, je vous assure. Non pas du sensationnel. Mais la vérité divine. Oh, il dit ça. Ils vont se reposer de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, Ils sont heureux. Ils sont la joie ineffable. d'être consolé, de recevoir les choses que nous avons entendu promesse par l'Évangile, mais de commencer à recevoir une partie de réalité éternelle. Des réalités qui ne passeront plus. Qu'on est confirmé, sauvé, on ne sera plus jamais perdu. On est confirmé vainqueur, on ne perdra plus aucune bataille. Louange à Jésus-Christ, le ressuscité. Louange à Jésus-Christ, le ressuscité. Lui qui nous donne la vie et l'espérance de vie éternelle. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous voyez sa présence ici? Sa glorieuse présence. Voilà. Voilà. Hein? Est-ce que tu vois la glorieuse présence? Mes chers amis, relève ta spiritualité. Quand nous parlons de la résurrection, lui le ressuscité s'est appelé. Il veut confirmer sa parole. Par la guérison divine, ce sont les arts de la résurrection. Ils sont tous les malades. Il doit recevoir la puissance maintenant. La guérison immédiatement. Par l'évangile qui te prend. Dieu dit ça. Il est la résurrection et la vie. Amen. Si tu crois qu'il va ressusciter le corps un jour, crois déjà maintenant qu'il peut guérir ton corps. Ici dans la salle. Mais maintenant. Ça ici. Maintenant, c'est par ici. Lève les yeux, ne regarde pas dans les bides, hein. Regarde le glorieux ressuscité. Comment il peut communier avec ses enfants? Avec ses enfants venus pour le salut. Ils ne sont pas venus perdre le temps. Ceux qui ne sont pas venus avant. Ils sont venus malades. Mais Dieu, il s'intéresse à ce genre de Jésus compatit. Et il marche dans la salle. Il guérit toutes les maladies. Amen. Par la parole. Amen. Par sa parole, guérit toutes les maladies. Amen. Tu es guéri dans les mains. Ton ennemi doit reculer. Cette maladie t'est là. Reculez. Parce que Jésus est ressuscité de mort. Cette maladie qui se fera que ne peut pas l'écouter, qui ne peut pas lui obéir. Il est fait descendu de sa gloire. Il est venu jusqu'à nous. Il a vécu la vie que nous avons vécue. Il sait c'est quoi la souffrance. Sacrificateur miséricordieux. Tu peux être touché par nos sensibilités. Il est touché par ça. Oh, louange à Jésus-Christ. Louange à son nom, c'est Dieu. Moi, je l'aime. Son amour est d'une grande efficacité. Nous n'espérons pas en lui que dans cette vie. Nous ne réclamons pas coûte que coûte de la guérison. Sans quoi nous serons foutus si nous mourrons de cette maladie. Si nous réclamons la guérison, c'est pour la gloire de sa parole. Mais nous croyons et nous vivons au l'honneur de la transmutation de nos corps. Celui qui guérit maintenant nos corps, il ne perd de notre corps. Il peut changer tout notre corps. Pour la foi fondamentale. Voilà, les amis, quand ils m'ont dit, Nous n'espérons pas en lui qui est dans cette vie. Nous espérons en lui même dans l'au-delà. Même au-delà des frontières de la vie terrestre. Au-delà de la clôture de la vie terrestre. Cette sorte de maison de pestiférée dans laquelle nous vivons. La vie terrestre. C'est une sorte de maison de pestiférée. C'est en quelque sorte une prison de souffrance. Mais c'est un lieu de combat. Dieu a placé l'homme dans le corps de chair. Il combat les bons combats de la foi. Et en sortir vainqueur. Et c'est pour plus que vainqueur. Mais par la foi, Dieu te libère de la maison de pestiférer. Un corps corruptible des représentants. L'espérance c'est la gloire. Gloire à Jésus-Christ. L'espérance c'est la gloire. Et tu as la paix avec Dieu. Par la foi. Dans l'évangile tout simplement. Parce que c'est pour Dieu de ceux qui espèrent en Christ. Tu es le plus malheureux de tous ceux qui espèrent. Si après avoir quitté le monde, pour embrasser l'évangile chrétien, pour chercher les voies de la vie, mais tu continues à figurer dans les groupes de ceux qui n'espèrent en Christ. Ici, tu penses qu'il n'y a que cette vie ou rien. Que si cette vie est retournée, tout espoir est perdu. Il n'y a plus rien à espérer. On ne recevra plus rien. Mais tu es alors plus malheureux que même les païens qui sont restés dans le monde. Il n'y a pas de rester dans le monde des évangélistes. Et de vivre parmi les chrétiens est encore une telle mentalité. Cette mentalité doit changer. Nous avons quitté le monde des païens pour devenir croyants. Et quand nous sommes croyants, nous regardons les choses invisibles et non pas celles qui sont visibles. Les choses visibles sont passagères. Nous comprenons encore tout ce qu'il possède. Tout ce que nous avons ici va passer. Mais les choses invisibles sont éternelles. Et là, parce que le croyant regarde. Nos choix ne sont pas motivés par le matérialisme. Notre courage ne vient pas des choses du monde. Ah, le courage de l'ambassade, le courage de l'église. Loin de là. Le courage des chrétiens ne provient pas des biens du monde. Ne provient pas des choses matérielles. Ne provient pas des choses visibles. Le courage des chrétiens provient des promesses de Dieu. Quand tu vois ce que Dieu a promis, et tu verras ce que le monde offre, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de bas. J'ai choisi un chemin, le protecteur. Je refuse de mourir comme un païen, vulgaire païen. Et je vais affronter ça en vainqueur. Affronter la mort en vainqueur. Comme Paul a dit, ainsi je connaîtrai Christ. Et la puissance de sa résurrection. N'est-ce pas vrai? Nous voulons le connaître.